Unité 1. Page d'ouverture. Activité 2 et 3. Page 13. Piste 5. Regarde le menu, Alice. Aujourd'hui, il y a de la salade. Super. Et on a aussi du poulet et des frites. J'adore. En dessert, on a du flan au caramel. Chouette. Moi, je préfère les fruits. Bon, allons choisir nos plats. J'ai très faim.